je vous propose de continuer. Donc, merci à Pascal Solignac, professeur de philo ici, pour sa très courte introduction, mais je pense qu'il ouvre bien sur les conséquences. On va continuer avec Jean-François Cardin, qui est prof aussi ici en technique d'éducation à l'enfance. Donc, il va nous parler des enjeux dans les CPE et les garderies en général. Alors, voilà, je cède la parole. Merci. Avant d'aborder les mesures d'austérité de ce gouvernement-là et les effets concrets sur les services de garde au Québec, j'aimerais quand même établir en partant un petit peu une brève historique, vraiment brève historique de pourquoi nous avons un système de services de garde au Québec comme il est aujourd'hui. Alors ça date de lutte qui, je vais situer ça à peu près dans les années 70, où les femmes, justement, se sont de plus en plus émancipées à cette époque-là et donc ont voulu retourner sur le marché du travail. Alors, c'est à l'aide de ces parents-là, d'enfants, et aussi les travailleuses de services de garde qui ont milité pour obtenir des meilleures conditions de travail, parce qu'à l'époque, j'en étais en passant, je suis un ancien éducateur de cette époque-là, et oui, je suis sorti dans la rue avec des parents et d'autres travailleuses. Et on s'est battu pour obtenir un système de services de garde décent et subventionné aussi par la société, par l'État. J'établis ça en partant parce que c'est important, on part de loin, là, c'est une lutte, donc on est arrivé à gagner un petit peu plus, malgré que ce n'est pas encore la mer à boire, là, en passant nos conditions de travail dans les services de garde, mais au moins c'est un peu plus décent qu'avant. Mais c'est des luttes. C'est pas venu tout seul. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est surtout lié aussi à la condition féminine. Donc, à l'émancipation des femmes et à leur retour au travail. Donc, c'est très important d'établir ça en partant. Alors, et là, aujourd'hui même, il y a un peu de jalousie à l'extérieur du pays. Voyez pays comme vous le voulez, pays ici ou pays plus large, là. En Amérique du Nord, on nous regarde comme étant choyés pour avoir ce réseau de services de garde-là présentement. Cependant, notre gouvernement, le Parti libéral, là, on va le nommer parce que c'est lui qui est au pouvoir présentement, plus particulièrement, attaque régulièrement ce service-là, et plus particulièrement dans le cadre de l'austérité, encore plus aujourd'hui. Le premier argument que je vais donner, c'est au niveau des... Et ça, il l'a fait lors de son dernier mandat, donc ça n'a rien à voir avec l'austérité, c'était une politique qu'il y avait déjà, de favoriser le privé pour s'occuper des services de garde. Et là, il y a un grand paradoxe, parce que déjà en partant, je peux vous dire, il n'y a pas d'argent à faire en éducation, hein. On est une institution d'éducation, mais je vais vous le démontrer encore plus. Bon, deux minutes, on va me dépêcher. C'est que 80% des dépenses d'un service de garde, ce sont les salaires. Donc, même si vous n'êtes pas bon en mathématiques, là, pensez-y deux minutes pour faire du profit dans des services de garde. Qui va écoper, vous pensez? Alors, la réponse, c'est le salaire des éducatrices. Alors, déjà en partant, d'ouvrir des services de garde avec le privé plutôt qu'avec des CPE qui sont à but non lucratif, c'est déjà un problème pour nous. Alors, ça va avoir des conséquences sur la qualité des services aussi, parce que qui dit qualité des services dit des éducatrices qui sont bien rémunérées. Nos étudiantes qui sortent n'iront certainement pas se trouver des emplois dans des entreprises privées parce que c'est moins bien rémunéré. Alors, voilà les conséquences. Nos bonnes éducatrices, celles qui sont professionnelles, vont aller dans des CPE. Et le Parti libéral, lui, a une orientation vers le privé. Il veut délester ça et justement ne pas subventionner les services de garde. Bon. Premier argument. Deuxième argument. Parce que si c'était seulement ça fait plusieurs années qu'il a pris cette orientation-là, ce gouvernement-là. Mais là, il en rajoute avec l'austérité. Il trouve que ça coûte trop cher, l'investissement. En passant, c'est prouvé que c'est rentable, les services de garde au Québec. Les femmes qui s'en vont travailler et qui utilisent ces services-là, je dis les femmes, mais c'est les familles, mais ça permet aux deux membres de la famille, parce qu'à un moment donné, il faut bien s'en occuper de ces enfants-là, que ce soit le père ou la mère. le fait qu'ils s'en aillent sur le marché du travail génère des taxes, génère de l'impôt, génère donc de la richesse, sans compter le travail qu'elles font là aussi, très important. Donc, si elles restaient à la maison, peu importe que ce soit le père ou la mère, mais en général, c'est la mère parce que c'est elle qui a, en général, le plus petit salaire, malheureusement. Ça, c'est encore une iniquité sociale, là. Les salaires des femmes sont plus bas que ceux des hommes. C'est ce qui fait qu'elles vont peut-être faire le choix de retourner à la maison. Et là, j'arrive à... D'ailleurs, ma collègue va peut-être reprendre ça dans son exposé, là. Mais il y aura un choix à faire parce qu'ils sont en train de moduler le tarif des services de garde. Alors, autrefois, c'était 7$, 7$ quelques maintenant, mais là, ils veulent rendre ça comme selon ce que tu gagnes, tu vas payer plus cher. Et si tu gagnes moins, tu payeras moins cher. Pour les riches, pas de problème. De toute façon, ils sont très heureux, peu importe, de payer ce qu'ils peuvent se le payer. Sauf que là, on attaque directement qui? La classe moyenne. Parce que ceux qui n'ont pas beaucoup de salaire, eux autres, ils vont payer le minimum. Donc, c'est la classe moyenne qui va probablement, elle, payer écoper plus là-dedans. Qui dit écoper plus, dit, en plus, si tu n'obtiens pas des augmentations de salaire, si tu es dans la fonction publique, là, je vais juste utiliser ça, puisqu'on est dans la fonction publique ici, ben, on va se poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'aller travailler dans ce contexte-là et d'utiliser des services de garde? Donc, deuxième argument. Troisième argument. Ils ont décidé, à un moment donné, d'aller piger dans les surplus des services de garde. Alors, des bons services de garde qui gèrent bien leurs services arrivaient à produire un petit peu de surplus. Mais là, ils ont décidé, non, on reprend ça, puisque vous êtes subventionné, on va récupérer vos surplus. Et là, on se retrouve dans des situations où ces gens-là, on va même avoir de la difficulté à gérer le service de garde, même s'ils gèrent bien. Ça, c'est inacceptable pour nous. C'est comme on donne d'une main, mais on reprend de l'autre. Et ça, c'est sans compter que, de plus, et si vous ne le savez pas, des projets d'immobilisation qu'il y a eu, qui ont été acceptés, qui étaient financés par le gouvernement, ils ont décidé maintenant que 50% devrait être financé par le service de garde. Ce qui fait que là, on va se retrouver à faire des levées de fonds pour financer l'ouverture de services de garde. Évidemment, ça fait leur affaire parce qu'oubliez pas, ils veulent favoriser le privé. Or, écoutez, là, j'ai résumé. Vous pouvez aller voir sur le site foudenosenfants.com. Vous allez avoir plus d'informations parce que là, je vous ai livré ça très rapidement. Mais en gros, c'est les attaques qu'on a présentement à cause des mesures d'austérité sur les services de garde. Yeah.